Unité 6. Conversation. Écoutez. 1. Est-ce que tu viens chez moi? 2. Oui, volontiers. 3. Est-ce que ta maison est grande? 4. Non, c'est une petite maison. 5. Chez moi, il y a une salle de séjour. 6. Il y a aussi une petite chambre, une cuisine et une salle de bain. Répétez. 7. Est-ce que tu viens chez moi? 8. Oui, volontiers. 9. Est-ce que ta maison est grande? 10. Non, c'est une petite maison. 11. Chez moi, il y a une salle de séjour. 12. Il y a aussi une petite chambre, une cuisine et une salle de bain. 13. Répondez, répétez. 13. Est-ce que tu viens chez moi? 14. Oui, volontiers. 15. Est-ce que ta maison est grande? 16. Non, c'est une petite maison. 17. Y a-t-il une salle de séjour chez toi? 18. Oui, il y a une salle de séjour chez moi. 19. Y a-t-il aussi une petite chambre? 20. Oui, il y a aussi une petite chambre. 21. Y a-t-il aussi une cuisine? 22. Oui, il y a aussi une cuisine. 23. Y a-t-il aussi une salle de bain? 24. Oui, il y a aussi une salle de bain. Écoutez. Est-ce que l'appartement est grand? Oui, monsieur. C'est un grand appartement. Il y a un salon et une salle à manger. Il y a un bureau et 3 chambres. Il y a une cuisine et 2 salles de bain. Il y a aussi un très grand balcon. Oui, c'est vraiment un appartement très confortable. Il est bien placé et il n'est pas cher. Répétez. 25. Est-ce que l'appartement est grand? 26. Oui, monsieur, c'est un grand appartement. 27. Il y a un salon et une salle à manger. 28. Il y a un bureau et 3 chambres. 29. Il y a une cuisine et 2 salles de bain. 30. Il y a aussi un très grand balcon. 31. Oui, c'est vraiment un appartement très confortable. 32. Il est bien placé et il n'est pas cher. Répondez, répétez. 33. Est-ce que l'appartement est grand? 34. Oui, monsieur, c'est un grand appartement. 35. Y a-t-il un salon et une salle à manger? 36. Oui, il y a un salon et une salle à manger. 37. Y a-t-il un bureau et 3 chambres? 38. Oui, il y a un bureau et 3 chambres. 39. Y a-t-il une cuisine et 2 salles de bain? 40. Oui, il y a une cuisine et 2 salles de bain. 41. Y a-t-il aussi un très grand balcon? 42. Oui, il y a aussi un très grand balcon. 43. Est-ce que l'appartement est confortable? 44. Oui, c'est vraiment un appartement très confortable. 45. Est-ce que l'appartement est bien placé? 46. Oui, il est bien placé. 47. Est-ce que l'appartement est cher? 48. Non, il n'est pas cher. Écoutez. Jacques, as-tu un disque d'Yves Montand? Oui, j'ai des disques d'Yves Montand chez moi. Ils sont dans ma chambre. Veux-tu écouter ma chanson préférée? Oui, volontiers. Quelle est ta chanson préférée? Les feuilles mortes. Répétez. 49. Jacques, as-tu un disque d'Yves Montand? 50. Oui, j'ai des disques d'Yves Montand chez moi. 51. Ils sont dans ma chambre. 52. Veux-tu écouter ma chanson préférée? 53. Oui, volontiers. Quelle est ta chanson préférée? 54. Les feuilles mortes. Répondez, répétez. 55. Jacques, as-tu un disque d'Yves Montand? 56. Oui, j'ai des disques d'Yves Montand chez moi. 57. Où sont-ils? 58. Ils sont dans ma chambre. 59. Veux-tu écouter ma chanson préférée? 60. Oui, volontiers. 61. Quelle est ta chanson préférée? 62. Les feuilles mortes. Écoutez. 63. Jacques, ta chambre est très jolie. 64. Oui, elle est confortable. 65. Il y a mes livres et mes disques préférés. 66. Quels sont tes disques préférés? 67. J'aime beaucoup les chansons de Montand et de Brassens. 68. Je préfère Claude François et Sylvie Vartan. 69. Nous étudions en classe le roman français contemporain. 70. As-tu un roman de Camus? 71. Oui, j'ai ses romans. 72. J'aime beaucoup Camus. Répétez. 73. Jacques, ta chambre est très jolie. 74. Oui, elle est confortable. 75. Il y a mes livres et mes disques préférés. 76. Quels sont tes disques préférés? 77. J'aime beaucoup les chansons de Montand et de Brassens. 78. Je préfère Claude François et Sylvie Vartan. 79. Nous étudions en classe le roman français contemporain. 80. As-tu un roman de Camus? 81. Oui, j'ai ses romans. 82. J'aime beaucoup Camus. Répondez, répétez. 83. Jacques, est-ce que ta chambre est jolie? 84. Oui, ma chambre est très jolie. Quatre-vingt-cinq. Est-elle confortable? Quatre-vingt-six. Oui, elle est confortable. Quatre-vingt-sept. Y a-t-il tes livres et tes disques préférés? 88. Oui, il y a mes livres et mes disques préférés. 89. Quels sont tes disques préférés? 90. J'aime beaucoup les chansons de Montand et de Brassens. 91. Aimes-tu aussi Montand et Brassens? 92. Non, je préfère Claude François et Sylvie Vartan. 93. Étudiez-vous en classe le roman français contemporain? 94. Oui. Nous étudions en classe le roman français contemporain. 95. As-tu un roman de Camus? 96. Oui, j'ai ses romans. 97. Aimes-tu Camus? 98. J'aime beaucoup Camus. Écoutez. 99. Dans la chambre de Jacques, il y a des disques et des livres. 100. Jacques et Françoise écoutent des chansons de Montand. 101. Jacques aime les chansons de Montand et de Brassens. 102. Jacques aime les romans de Camus. 103. Parmi ses livres, il y a les romans de Camus. 104. Il prête ses livres de Camus à Françoise. Répondez, répétez. 105. Qu'est-ce qu'il y a dans la chambre de Jacques? 106. Dans la chambre de Jacques, il y a des disques et des livres. 107. Que font Jacques et Françoise? 108. Jacques et Françoise écoutent des chansons de Montand. 109. Jacques aime-t-il les chansons de Montand et de Brassens? 110. Oui, Jacques aime les chansons de Montand et de Brassens. 111. Quel roman Jacques aime-t-il? 112. Jacques aime les romans de Camus. 113. Qu'est-ce qu'il y a parmi ses livres? 114. Parmi ses livres, il y a les romans de Camus. 115. Que prête-t-il à Françoise? 116. Il prête ses livres de Camus à Françoise.